Thank you. qu'aujourd'hui je ne t'aimerai plus. Un jour tu sourirais moi, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai. Jean-Jacques Goldman, non, c'était Bachot. C'est Bachot qui avait écrit ça. Pas du tout. Hey, hey. Émotion sensuelle. Section de combat, effet secondaire, séquelle. C'est tout ce qui m'a été de caractère, t'as brûlé. J'ai plus qu'à mourir au canadère, n'essayez pas de m'éteindre, je m'en suis volontaire. C'est Tommy. Yes, Tommy. Et la batterie. Bien sûr, le Chris. Drum. Chris. surprise. Drum. Come on. Yeah. Ça groove, ça groove, ça groove. Émotions censurées, j'en ai plein le conteneur. Je m'accroche au cendrier, m'arrange pas les maxillaires. Yeah! Bravo, monsieur Chris! Et ils sont chauds là, hein? Tommy, il est à fond après. Good gym, yes. Ah merde, je m'appelle. Ah ouais, je me suis en mode Manu. Je suis en Manu aujourd'hui. Are you ready to listen to me? Oh, just a minute. Il est où mon haut-parleur? I'm looking for the. Mais. Il y a un problème là. Ah d'accord. Macron, il parle comme Jésus-Christ. Ou alors, il parle comme le général de Gaulle. S'il cherche un responsable, dites-leur. Alors, il est devant vous. Il faut que je m'achète une nouvelle carte son. Parce que ma carte son ne me convient pas. What are you saying? My English is very, very bad. And it's hard to me to translate what I say. I speak about my president of République française. C'est qui lui? C'est Chris. Ah mais Chris, c'est Norvège. Norvège, je sais pas qui c'est, Norvège. But now it's time to play music and don't speak politique. Je cherche une carte son d'occasion. Je sais pas si. Oui, il y a toi, Crou, qui parle français. Je cherche une carte son où je puisse brancher 4 instruments, 4 pistes simultanées. Attends, j'enlève les effets parce qu'on va rien comprendre. Oui, je cherche une carte son où je puisse mettre 4 pistes en enregistrement simultané. Tu veux un ballon ? Bien, tu vas voir. On flotte en bas. On flotte en bas. Do you know this? Comment c'était? The Thing. Ça. Ça est revenu.